Cette émission est présentée en rediffusion. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez La dernière porte à gauche. Hey, bonjour et bienvenue à l'émission La dernière porte à gauche. Je m'appelle Kiwan et puis dans la prochaine heure, on va écouter, comme d'habitude, de la musique francophone, celle qui joue toujours assez fou et qu'on aime beaucoup. C'est ça le programme pour la prochaine heure. Il va y avoir, entre autres, là-dedans, il va y avoir quelques nouveautés, des trucs qu'on a reçus récemment assez fou. Parmi celles-ci, il va y avoir Pierrick Jasmin. Il va y avoir aussi Shotgun, un artiste qui a déjà été dans le palmarès ici assez fou. Donc, c'est pour ça que je me fie un peu là-dessus parce que je vais vous avouer que Shotgun, je l'ai pas écouté le nouveau EP qu'on a entendu. Donc, ça va être une surprise pour moi aussi. Mais je sais que ça avait déjà joué dans le palmarès francophone ici. Puis, il me semble que j'avais pas détesté ça. Donc, au pire, ce sera un moment qu'on passera ensemble, peut-être qui sera désagréable, mais au moins, on va être ensemble. C'est ça qui compte. C'est juste ça qui compte. Mais pour commencer l'émission, on va écouter un artiste qu'on connaît quand même assez bien ici à l'émission. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous fais découvrir. C'est Keith Kuna, le chanteur de la formation Les Ghouls. Il va être en spectacle ici à Trois-Rivières. C'est samedi le 9 mai. Donc, si vous écoutez en direct, c'est demain. C'est au Zénob, ici, donc à Trois-Rivières, dans le centre-ville. Place que vous connaissez bien. Je pense que ce ne sera pas si dur à remplir. Je pense que Keith Kuna est capable de remplir le Zénob. Parmi les artistes qui peuvent se remplir le Zénob, je pense que Keith Kuna en fait partie. En tout cas, je le souhaite. Malheureusement, je ne pourrais pas être là, donc je ne pourrais pas contribuer à essayer de remplir la place, mais je suis sûr que ça va être très bon. Moi, ce que j'ai entendu, c'était que les spectacles de Keith Kuna n'étaient pas très sérieux, mais vraiment très bons. Donc, si ça vous tente d'aller passer un petit moment sympathique en compagnie de Keith Kuna, ben c'est donc demain soir. Et puis sinon, si vous ne connaissez pas, ben on écoute la pièce Brillantine tout de suite de Keith Kuna à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Aucune trace de ma jolie

Major, qu'on vient d'entendre avec la pièce Ping Pong, c'était la position numéro 9 du palmarès francophone cette semaine. Et quoi que Mathieu Plante puisse en dire, on l'a pas écouté dans le palmarès. Vous écouterez pour le fun la balado-diffusion, moi j'en suis persuadé, j'ai aucune preuve, je peux absolument pas le prouver. Mais en tout cas, je suis sûr qu'on n'a pas entendu cette pièce-là cette semaine dans les palmarès. Justement, parlant de balado-diffusion, comme si on le disait pas assez, je vous le redis quand même, vous pouvez télécharger la balado-diffusion de l'émission ici, la dernière porte à gauche, sur le www.unechance.com et vous pourrez en même temps trouver les balados pour toutes les autres émissions de Mathieu Plante et moi, c'est-à-dire les palmarès, la connexion, le poste d'écoute, les anciennes émissions de Respect les dauphins, et puis en même temps, c'est ça, allez faire un tour sur le www.unechance.com, qu'on est donc fatigant avec ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller écouter une petite nouveauté. C'est arrivé cette semaine ici à C'est fou. C'est un artiste, je dirais quand même, rock populaire. J'aime ça parfois en faire jouer comme ça de ces artistes-là qui représentent pas nécessairement le son entier de l'émission ici, mais ce que Pierrick Jasmin fait, c'est quand même bien, je trouve, dans ce style. Et puis, il y a un autre artiste aussi un peu dans ce style-là que j'apprécie, malgré que ce soit pas si représentatif du son de l'émission, c'est Patrick Plot. Donc, c'est les deux artistes qu'on va écouter dans le prochain bloc. On va commencer avec la pièce « Contre le vent » de Pierrick Jasmin. On écoute ça tout de suite à « Respecte les dauphins » sur les ondes. j'ai dit « Respecte les dauphins ». Non, c'est la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Fire! Oui, donc c'est Pierre-Éric Jasmin qu'on vient d'entendre avec la pièce « Contre le vent ». Et juste avant d'aller écouter Patrick Plot, on va écouter une pièce de Shotgun. Donc c'est ici la nouveauté, c'est ici qu'on sait pas trop qu'est-ce que ça va avoir l'air. Moi je me souviens en tout cas de j'aurais pu en plus l'écouter, j'avais le temps. Mais non, je veux que ce soit une surprise. Écoute, on va écouter une pièce extraite du EP de Shotgun qui s'appelle Autoproduction. Vraiment très drôle, ça, tu sais, les caractères qu'il faut pas lire à voix haute, là. Ouais, c'est ça, non, c'est vraiment ça, autoproduction, l'album de Shotgun. Donc, on va écouter la pièce 100 fois, c'est vraiment un essai, mais il me semble bien que ce qu'on avait dans les palmarès francophones, c'était vraiment très bon de Shotgun, donc on va écouter la pièce 100 fois de ce mini-album, ce EP qui s'appelle vraiment Autoproduction. Oui, donc on vient de l'entendre, Patrick Plot avec la pièce L'Antigénie. J'en avais parlé un peu plus tôt et finalement j'ai réussi à l'avoir, la pièce L'Antigénie de Patrick Plot. Maintenant, on va changer un petit peu de style, en fait, pour s'en aller dans le néo-hip-hop. Je sais jamais trop comment décrire cette musique-là, mais on va aller écouter un peu de Gatineau, tiens, dans ce bloc-là. Si vous vous demandez un peu ce que Gatineau devient, ben il prépare un prochain album, mais c'est vraiment pas pour tout de suite, en fait. C'est pour dans un an, printemps 2010. Ils vont être en résidence d'ici là à la Maison de la Culture de Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, où ils vont pouvoir vraiment expérimenter, préparer leur album. Puis ouais, vraiment, ils se sont installés là pendant un an, ou je sais pas exactement si c'est vraiment jusqu'à la sortie de l'album, là, vraiment pendant un an, mais quand même, ils sont installés là pour préparer un nouvel album, enregistrer leurs trucs et tout. Ils vont même, au cours de l'année, faire des prestations, donc là-bas, à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, d'ici là, prépare quelques spectacles, mais des spectacles surprises, où ils vont pouvoir expérimenter leur nouveau matériel dans les petits endroits. Et puis, il y en a un, justement, en fin de semaine, à Montréal. C'est à l'Escogriffe, à Montréal. Mais c'est quand même... c'est quand même, j'aime ça le concept, parce que c'est vraiment undercover comme spectacle. En fait, je voulais pas vous le dire, c'était comme une surprise, un secret, mais finalement, bon, je vous le dis, ils vont faire des spectacles sous un pseudonyme, donc cherchez pas les spectacles de Gatineau dans la prochaine année. Si vous voulez entendre des nouveaux spectacles, des nouvelles pièces, en fait, du groupe Gatineau en spectacle, ben c'est pas sous le nom de Gatineau, donc le groupe va se produire. Donc allez faire un tour sur le site MySpace de Gatineau, le www.myspace.com/Gatineau. Vous allez voir, c'est cool comme concept. Donc on va les entendre avec la pièce Pow Pow T'es Mort dans le prochain bloc. Mais juste avant ça, on va aller écouter Loco Locas. Tiens, un autre groupe de qui ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Leur dernier album studio complet remonte à longtemps. Je pense que c'est 2004. Est-ce que ça se peut, ou 2006? Ça fait vraiment longtemps, en tout cas. Qu'on n'a pas eu, ben tu sais, pas eu d'album complet, mais il y a toujours du nouveau matériel, hein, de Loco Locas qui se diffuse tranquillement pas vite, une pièce par-ci par-là, ou des collaborations. Font vraiment beaucoup de collaborations avec d'autres artistes, donc on est quand même pas vraiment démunis côté Loco Locas. Il y a une pièce, hein, d'ailleurs, qui je crois joue sur certaines ondes commerciales, qui s'appelle Le But, qui est une pièce qu'ils ont composée pour le Canadien de Montréal. C'est un peu une tendance, on dirait, ces temps-ci, de faire une pièce pour les Canadiens de Montréal, et j'imagine qu'ils doivent en avoir besoin. Mais bon, moi j'ai entendu celle de Loco Locas, et comparé à d'autres que j'ai entendues, je trouve qu'elle est très bonne, même si c'est une pièce complètement partisane, faite pour une équipe de hockey. Je l'ai quand même aimé, cette pièce-là, mais c'est pas celle-là que je vais vous faire entendre. Ce qu'on va aller écouter, c'est plutôt La Grosse Russe, une pièce dont on entend un extrait sur l'album Le Compte Complet de Malajub. Non, c'est pas sur Le Compte Complet, en fait, c'est pas sur Le Compte Complet. Mais bon, vous allez reconnaître, c'est sûr, on entend un extrait de cette pièce-là qu'ils ont fait d'ailleurs avec Malajub. On en entend un extrait sur l'album de Malajub. Mais là, on va entendre la version complète de Loco Locas et Malajub. C'est La Grosse Russe sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Bonsoir, bienvenue à Des questions, des réponses, en studio, Malajub, Loco Locas. Les gars, comme c'est curieux, comme c'est bizarre, à première vue, tout vous sépare, le rap, le rock, les lourdes guitares, la syncope du hip-hop. Mais davantage, vos textes Malajub sont économes, pour ne pas dire laconique, tout le contraire du propos loco, carrément, logoréique. Non, moi c'est Chaffik. Moi t'as marqué Chaffik. Hey, mais pourquoi ce propos qu'on prend la lick? Ta gueule, mon petit gros boy, je réponds à question, ta part de corps. Bon, on va poursuivre en musique, vite, tiens, comme une disque sous la main, Richard, t'es gay. Je frappe aux portes du vagin, vagin, fini dans ta rosée, vagin. Face cachée du stress, en compagnie de Malajub et Loco Locas. Ici Gilles. Vas-y Gilles. Les gars, Malajub, pourquoi vous accouplez à Loco Locas, qui ne propose qu'un prêt-à-penser prémastiqué pour la masse? Pourquoi polluer vos propos par la politique? Vous ne vous amusez plus avec la musique? Tout le temps, tout justifié, toujours tout expliqué, tous les jours tout analysé, toujours tout décortiqué pour un critique. Mignon, mignon, don, répond à question. Bon, on repart en musique avec un autre hit Eh bien, c'est déjà la fin de notre émission. Passez en très bonne compagnie. Malajub, Loco Locas. Ah ouais. Merci les gars. Merci man. Ça fait plaisir Gilles. Merci, très plaisant. C'était l'évangile de la Tourette sur votre station. Pénis crotte-ton. Qu'on appelle les vidages à des bikers. Oui, c'est Fadjo. Remix le killer. What? Mais tu peux tout simplement nous appeler master. Comme des caisses m'a rendu comme des family master. L'heure des conseillers de Sammy. Avant de Sammy, une petite affaire qu'on n'a pas encore mentionné. C'est qu'à date, y'a personne qui s'en est jamais sorti. La situation risque pas de se renverser. Comme c'est parti. Trouve pas d'alors, c'est fuck avec un no shy là. Parce qu'on est plus valable que d'Orange Crew. On peut pas me parler au vieux pot de Jim Blue. Tu peux venir dans le fleuve avec un vieux pain de bleu. Tu peux te ramasser à marcher de rien avant ma chaîne. L'en même ma tête avant, on peut se retrouver en marche. Des crackheads comme nous autres, ils s'en fait plus. Ça fait que c'était méchant, recommence ton but. Barbare des mains, sinon j'joue plus. Enlève tes bosses, sinon j't'en sais dessus. Barbare des mains, sinon j'joue plus. Enlève tes bosses, sinon j't'en sais dessus. Barbare des mains, sinon j'joue plus. Enlève tes bosses, sinon j't'en sais dessus. Barbare des mains, sinon j'joue plus. Enlève tes bosses, sinon j't'en sais dessus. Le barman trouvé m'en va chez eux, c'est ça. Nous autres, le GG Grog ça serait pendu. Juste nous autres, il a sans casse mort qu'une balle d'entaille sur la route. La danse en distance d'emporter disparu. Juste nous autres, la voiture piégée qui explose en pleine rue. Nous autres, tu verras de vivant, de pas que ton commerceau. T'es mis de pied et doux, pis avoir les bonnes couleurs sur ton compte. Le métier de baragage, c'est sûr qu'on l'a appris. Avec nos années de loyaux service, on a tout de compris. Sport, ça se pense avec un gun, ça tombe. Quelqu'un de chez toi d'en face, de fond, tu l'homme qui vient tout droit. On peut juste battre. C'est pas du fun. On a la bien grave. On attache ton nu, après des poteaux de buis. On pêche des pommes dessus, jusqu'à temps que t'as mouru. Barbare des mains, sinon j'joue plus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. Barbare des mains, sinon j'joue plus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. Barbare des mains, sinon j'joue plus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. Barbare des mains, sinon j'joue plus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. Barbare des mains, sinon j'joue plus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. Barbare des mains, sinon j'joue plus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. J't'en tire dessus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. Enlève tes bosses, sinon j't'en tire dessus. Gatineau et la pièce Papa, t'es mort. Juste avant ça, on avait entendu Loco Locas avec la pièce La Grosse Russe et ça fait un peu changement d'entendre ce style de parole-là dans les bouches des Loco Locas, d'habitude qui ont des pièces plutôt engagées, même souvent une prose assez raffinée. Hein, Loco Locas, les textes sont toujours très très bien définis. C'est le gars aussi qui ont une très grande culture, toujours plein de références littéraires et autres, tu sais, des références assez recherchées dans leur musique. Et puis là, La Grosse Russe, vraiment, on fait premier niveau, mais totalement, là, c'est assez grossier en fait, mais vraiment bonne quand même. Cette pièce-là, donc, désolé si ça a offusqué certaines personnes, mais bon, ça valait la peine, je trouve, d'écouter La Grosse Russe de Loco Locas. J'ai le goût de continuer avec un peu ce style de musique-là que j'appelle néo-hip-hop, mais on va tout d'abord aller faire une pause. Et puis dans 2 minutes environ, on va entendre MC La Sauce, tiens. Donc c'est ça le projet pour le programme pour les quelques prochaines minutes. Donc on s'en va en pause tout de suite et au retour, MC La Sauce. Vous écoutez Respecte les Dauphins sur les ondes de la mauvais nom d'émission. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Besoin de répéter, vous avez bien compris. Semblerait que je l'ai trop dit, mais j'en mettrai pas de côté. Y'a déjà trop de mensonges, de grosses vérités. Parti du MV, jusqu'à la radio, c'était le vrai jeu d'enfant, tant pis. Si la plupart du monde c'était, moi je continue de chialer. T'en prends des danseurs, nous autres continuons de broyer. C'est pas tué par normal. Je veux dire à quel point je suis sa place, à quel point ça me borde les portails. Coup de poing, ça pense à partir, leur carrière est déjà morte. Tant qu'à moi, tout ce que j'apporte, faut l'avouer. C'est tout ce qu'on prend, une parole qui est pure et franche. création. Tant qu'on n'a pas d'arrêt, c'est sûrement de cette façon que certains pensent avancer stratégiquement. La pas danser, c'est vraiment merdique, man. Faudrait penser à changer de rythmique avant. Vos penchants pour la musique, pas blanc, porte sur votre propre personne. Les autres, ça arrive de même, personne ne sait vraiment. Car ça des boules bedingues, bedingues, bang. Si tu fais ta porte, mais en fait, tu sais même pas ce qu'il fait pour la danse, et tu sembles mise en retard. La musique en vrac, c'est ce que tu produis pendant. Tu enlèves la strap sur un beat jiggy. J'attends, juste un bon moment, c'est à montrer c'est qui va régler ton corps à coups de piqué. Personne à quoi, je ressemble à qui, bien masqué derrière l'ordi à qui. Je ressemble à quoi, personne n'en saute dans la foire et quoi. Tu me connais pas, c'est que Pistler. Faut jamais perdre la voix. Je ressemble à quoi, je ressemble à qui, bien qui fasse les produits à qui. Je ressemble à quoi, personne n'en saute dans la foire et quoi. Tu me connais pas, c'est que Pistler. On veut les faire la voix. C'est de plus, c'est de la vie, j'ai peut-être un peu sué l'opé. Je sais, j'ai pas grand chose à envie, mais j'essaie de faire un peu changer les mentalités. Je m'en viens, je suis pas violent, je t'engage naturellement. J'étais juste un peu enragé. Change pour la vie, mille fois avant de parler. Moi, je change pour la vie, j'ai le droit de me déguiser. J'ai pas la vie que vous avez, j'ai pas la vie de me ranger. J'ai quelque chose à dire, je l'écris fort au point de déranger. De manière inhabituelle, sans ma créativité, frustration visuelle, sans faire semblant d'éviter. Les pompons jeunes en état pour une drôle d'idée. J'ai aucun prénom à venir à cause de plus fixé. Il faut s'aider dans cette merveille, ouais, c'est évident. Parce que j'aime vraiment s'écrier tout ce qui me refaire en dedans. Sans aucune gêne, vraiment, sans aucun remords non plus. Tu trouves ça surprenant, mais moi, c'est le rêve qui me tue. Je ressemble à quoi, je ressemble à qui, bien masqué derrière l'ordi à qui. Je ressemble à quoi, personne n'en saute dans la foire et quoi. Tu me connais pas, c'est Kick Pistler. Faut jamais perdre la voix. Je ressemble à quoi, je ressemble à qui, rien qui fasse par les produits à qui. Je ressemble à quoi, personne n'en saute dans la foire et quoi. Tu me connais pas, c'est Kick Pistler. On veut les faire la voix. Avec votre poil de touffe, je suis respectueuse. Totalement, c'est une fauteuse. Tout équipe pour me parler quand tu veux pas travailler. Va dans ton sac de boss cosmique. Une petite pote, j'ai de la musique. Crise de fucking hippie. Puis ton crise de patchouli. Une belle sauce collante qui ont cuit une gamme de ton. Qui m'approche plein de façon. Avec des répliques de fion. Quand ton mic on se fait arrêt. Pensais-tu que ça marcherait? La fin du coffre à l'intense. Et ton signe si tu balances. C'est style gothique. Tu me rends sick. Mais tu veux noir. Tu joues à Donjon Dragon le soir. Bon, c'est pour toi. C'est fort des mots de désarroi. Des petits millions par mer. Entre deux histoires de part. So, whatever you say, j'en ai trop rien à crisser. Quand tu seras ta vie, tu pourras me faire chier. Bah, t'en as pas, moi, j'espère. Bah, va rien si je suis là. Parce que tout ce que je te dis, c'est fucking fucking whisky. So, whatever you say, j'en ai trop rien à crisser. Quand tu seras ta vie, tu pourras me faire chier. Bah, t'en as pas, moi, j'espère. Bah, va rien si je suis là. Parce que tout ce que je te dis, c'est fucking fucking whisky. Tu sais que je cache ma tête. Sacrement de scolaire, je serais pas ton pénis. Mal payé, les 7 piastres, un crissant des coups d'en face. Tu veux pas être comédien, tu veux-tu faire bien le chien? T'exprimes des émotions en émettant des sons. T'as lié ton tourbillon, mais t'as cité. De façon, fais ton partage des idées avec tes camarades gays. Le rose avance en ligne, la balade du lac des signes. Grace pour baby titan et faire des ponts en céramique. Faire de la couture sur soi, méditer quand tu vis bas. Macramé origami, what the fuck, une fois que c'est. Un gel à les salopettes, les souliers pour du vert. Les clowns, les mimes, le six mois de gym, les max pis des musées. Toutes les bases à faire à chier, j'aimerais mieux manger mon foie que d'adhérer à cette marmite. So, whatever you say, j'en ai trop rien à crisser. Quand tu seras ta vie, tu pourras me faire chier. Bah, t'en as pas, moi j'espère, bah, va rien si je suis là. Parce que tout ce que je te dis, c'est fucking fucking whisky. So, whatever you say, j'en ai trop rien à crisser. Quand tu seras ta vie, tu pourras me faire chier. Bah, t'en as pas, moi j'espère, bah, va rien si je suis là. Parce que tout ce que je te dis, c'est fucking fucking whisky. Ouais, ben c'était MC La Sauce qu'on vient d'entendre avec la pièce Fuck You ST. Donc oui, c'était bien ça. Je parlais un petit peu plus tôt de Loco Locas qui, à part faire des albums, parce qu'ils en font pas souvent, font tout plein de collaborations, ben cette pièce-là de MC La Sauce a été pas écrite, mais en fait la musique, je crois, a été faite par Shafik de Loco Locas. On change un petit peu le style parce que ça fait beaucoup de musique dans ce style-là qu'on fait passer. Puis d'habitude, j'essaie d'avoir un petit peu plus de variété. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais en fait, pas tant parce que ça va détonner là, la prochaine pièce qu'on va entendre. Mais c'est quand même une pièce qui ressemble un peu au style de Patrick Plot qu'on a entendu un peu plus tôt dans l'émission. En fait, en écoutant Patrick Plot, je trouvais qu'il y avait certaines ressemblances avec Julien Ribault, un artiste français que j'aime beaucoup. Donc, ça m'a donné le goût de faire passer La Chambre renversée. Donc, c'est ce qu'on va écouter tout de suite. La Chambre renversée de Julien Ribault. C'est vraiment une très bonne pièce. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait jouer d'ailleurs ici. Je l'aime beaucoup, donc on l'écoute, Julien, avec la pièce La Chambre renversée à la dernière porte à gauche sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Thank you.

Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Oui, c'est le groupe Chinatown qu'on vient d'entendre avec la pièce « Apprendre à danser ». Et avant ça, c'était David Bowie du groupe Le Husky. C'est déjà ce qui termine l'émission pour cette semaine. Donc, c'est ça. Moi, je vous retrouve vendredi prochain, finalement, pour les palmarès à 17h et la dernière porte à gauche à 20h. Rien de spécial, je pense, cette semaine. Assez tranquille. À part Kid Kuna, demain soir au Zenob. Si vous pouvez aller voir ça, vous êtes chanceux. Donc, c'est le 9 mai au Zenob, ici à Trois-Rivières. Il reste du temps pour une dernière pièce. Ça va être une pièce de Jérémy Mourant qu'on va entendre. Ça s'appelle « Le mal nécessaire ». Et je vous laisse plutôt en compagnie ce soir du solitaire lutin de l'enfer. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Besoin de tout ça, les voleurs servent à ce qu'on se rende compte du sort cruel de ceux qui n'ont pas. Les voleurs tentent de nous faire comprendre.